La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Je suis batté moi ce grand désert, tous ces titres qui défilent en file indienne, que du rap au next level, tes mains au bout, c'est Audi Raz qui m'attend, le coffre plein de bebons trop musical, qui vont finir dans le trou de balle, dans le trou de balle de ton game qui commence. Mes fans, aka la volaille du RAP, ouais, qui me prennent la tête, aka la cervelle, qu'aimerais me la faire comme d'autres humains, ou dans The Game, quel beau cauchemar dans votre rêve, faites les beaux, faites les belles, c'est ma nouvelle tête, mon nouveau casse à la tunisienne, et ouais, mon pote. Tout seul, j'suis le Milan As. Et après As, y'aura pas de belle, que des lettres en arc-en-ciel. A.K.A. Game Over, qui te rappelle que dans tout game, y'a une fin, y'a une fin. Oh, et ouais, mon pote. Oh, combien de fois, oh, t'as creusé mon trou, oh, sans poser mon corps. Savoir où je suis, ben je suis là.